Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter le samedi et le dimanche. Et aujourd'hui, eh bien, on va ouvrir l'émission avec Vivaldi. Vivaldi et son recueil L'Estro Armonico, l'un des principaux recueils de concertos pour violon, avec la Cetra, avec la Stravaganza et avec le combat de l'invention et de l'harmonie, d'où sont tirées les fameuses quatre saisons. Un recueil, L'Estro Armonico, très inventif, au point d'ailleurs que Jean-Sébastien Bach, ayant eu certains concertos dans les mains, eh bien, a transcrit pour quatre clavecins, par exemple, un concerto pour quatre violons. Et c'est une œuvre, un recueil qui a été édité en 1711 à Amsterdam. C'était à l'époque le grand centre européen de l'édition musicale. Alors on va écouter un mouvement du concerto numéro 1, Riom 549, Allegro, par l'ensemble Armoniosa. Thank you. Premier mouvement allegro du concerto pour violon en ré majeur, Rium 549, tiré de l'Estro Armonico de Vivaldi avec l'ensemble Armoniosa. Et on reste avec Vivaldi, et cette fois à l'opéra, avec un opéra qui s'appelle La Fida Ninfa. Il est question d'une nymphe qui est désespérée et furieuse, dans l'air qu'on va écouter d'ailleurs. Et on se demande comment Vivaldi, qui était prêtre, il faut quand même le rappeler, a pu composer pour l'opéra, qui était quand même un lieu et un domaine considéré comme le domaine de la luxure par les autorités ecclésiastiques. Il a d'ailleurs été plusieurs fois convoqué par ses pairs pour répondre justement de son intérêt pour l'opéra, et évidemment les autorités ecclésiastiques se demandaient si c'était bien la place d'un prêtre de composer pour de tels spectacles. En tout cas, les opéras de Vivaldi sont magnifiques. Il y en a plusieurs dizaines parce qu'il a énormément composé dans ce genre. On les redécouvre petit à petit depuis, on va dire, le milieu des années 60. Certains sont peut-être encore inédits. En tout cas, ce sont vraiment des œuvres absolument admirables et un traitement magnifique de la voix. Je vous propose d'écouter donc maintenant un air tiré de la Fida Ninfa de Vivaldi, chantée par Anna Prohaska, soprano, et elle est entourée par l'ensemble Arcangelo, dirigé par Jonathan Cohen. Oh. Un air tiré de l'opéra La Fida Ninfa de Vivaldi, chanté par Anna Prohaska, et puis l'ensemble Arcangelo était dirigé par Jonathan Cohen. Traversons les siècles et nous voici au XXe siècle à la rencontre de Dimitri Shostakovich. Dimitri Shostakovich, l'un des grands compositeurs du siècle passé. Et jusqu'en 1953, évidemment, la date de la mort de Staline, les conditions furent difficiles pour Shostakovich, comme d'ailleurs pour tous les créateurs en Union soviétique. Les règles artistiques étaient vraiment strictes. Et en 1957, il compose un deuxième concerto pour piano. Il avait déjà composé un concerto pour piano, trompette et orchestre, ce qui n'était pas banal. Et puis donc un nouveau concerto qu'il aurait pu composer à l'époque de Staline, parce que ça aurait passé, hein, on n'était pas dans quelque chose de très innovant avec ce concerto pour piano. Et l'andante est un moment de grâce absolue. Alors le voici, cette andante, jouée par Eugène Liszt au piano et l'orchestre symphonique de la radio du RSS est dirigé par Maxime Shostakovich, qui était le propre fils de Dimitri. Le deuxième mouvement andante du deuxième concerto pour piano de Dimitri Shostakovich avec Eugène Liszt au piano et l'orchestre symphonique de la radio du RSS dirigé par Maxime Shostakovich. Et on continue avec Richard Strauss et son premier concerto pour corps. Alors si Maxime Shostakovich, fils de Dimitri, était chef d'orchestre, eh bien Richard Strauss était le fils d'un corniste très célèbre en son temps, donc fin du 19e siècle, très apprécié, peut-être d'ailleurs le meilleur corniste d'Europe. Et Richard Wagner l'appréciait énormément, même si cette admiration n'était pas réciproque. Parce que le père de Richard Strauss détestait la musique de Wagner et le faisait savoir au compositeur. Donc, Richard Strauss a composé des concertos pour le corps. Il en a composé deux, finalement, pas tellement. Le premier date de ses années de jeunesse, et puis le deuxième date de la fin de sa vie. Et c'est un style proche de Mendelssohn, de Weber, dans ce premier concerto pour corps de Richard Strauss. On y retrouve un langage très romantique, mais aussi très virtuose, comme on va pouvoir s'en rendre compte, avec l'Allegro qui conclut ce premier concerto pour corps, joué par Peter Dam au corps, et puis la Staatskapelle de Dresde, et dirigé par Rudolf Kempe. Magnifique finale du concerto pour cor numéro 1 de Richard Strauss, avec Peter Dam au cor et la Staatskapelle de Dresde, direction Rudolf Kempe. Giacomo Meyerbeer, 1791-1864, l'un des grands maîtres de l'opéra, mais ostracisé, passé un peu à la trappe, et c'est bien dommage, parce qu'on redécouvre ces dernières années les chefs-d'œuvre de Meyerbeer, qui fut vraiment en son temps considéré comme l'un des plus grands compositeurs d'opéra et un Européen avant l'heure, parce que son œuvre côtoie l'opéra seria italien, le Singspiel allemand et l'opéra comique français. Bref, un compositeur essentiel, passé à la trappe, on ne sait pas trop pourquoi, ou plutôt si, on peut le penser. Parce que Wagner était extrêmement jaloux de Meyerbeer, des succès de Meyerbeer, et lorsqu'il a écrit son pamphlet ordurier « Le judaïsme dans la musique », Wagner avait en tête principalement Meyerbeer, sans doute Mendelssohn aussi, mais surtout Meyerbeer, parce que, évidemment, c'était un concurrent, et qu'il avait l'impression, que Meyerbeer, issu de classes aisées, riches, eh bien, avait les portes qui s'ouvraient facilement en raison de cette aisance financière. Ce qui était faux, parce que Meyerbeer est un authentique grand compositeur d'opéra. Et comme je le disais, on redécouvre, même si ces ouvrages n'ont pas complètement disparu, mais on redécouvre l'Africaine, les Huguenots, le Prophète, Robert le Diable, ou encore son opéra comique, L'Étoile du Nord. On va écouter un extrait du Prophète, Mon cœur s'élance et palpite, c'est l'air de Berthe, chanté par Diana Damrao, la soprano, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, et dirigé par Emmanuel Villot, mais vous allez voir que c'est vraiment un compositeur qui, là encore, maîtrisait parfaitement la pyrotechnique vocale. Thank you. cœur s'élance et palpite, l'air de Berthe tiré de l'opéra Le Prophète de Giacomo Meyerbeer, interprété par la belle Diana Damrao, belle soprano, et l'Orchestre national de l'Opéra de Lyon était dirigé par Emmanuel Villaume. Alexandre Borodine est l'un des principaux compositeurs russes de la seconde moitié du XIXe siècle. Il faisait partie de ce groupe des cinq avec d'autres, Rimsky-Korsakov, Cui, Balakirev, Moussorgski, qui tentaient de régénérer la musique en Russie, puisque avant ces compositeurs-là, la musique en Russie était surtout animée par des compositeurs venus de l'étranger, comme Donizetti, comme Verdi, comme Field, un Irlandais. Bref, donc une musique russe en pleine éclosion à cette époque-là. Et Borodine n'était pas musicien professionnel. Il était chimiste et d'ailleurs très très reconnu dans son milieu puisqu'il a fait des travaux qui ont compté dans l'histoire de la chimie. Plusieurs universités d'ailleurs lui ont rendu hommage. Et Borodine n'a pas énormément composé parce qu'évidemment, il était pris par son métier de scientifique et la composition, la musique était plutôt un loisir. C'était un homme extrêmement généreux, il avait toujours plein de gens chez lui qu'il accueillait avec bonhomie et gentillesse. Un compositeur assez remarquable, bien dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas davantage écrit de musique. On va écouter l'une de ses pièces les plus célèbres, sans doute d'ailleurs la plus célèbre, dans les steppes de l'Asie centrale, qui évoque le blizzard, le froid, l'hiver, dans ces fameuses steppes de l'Asie centrale. On l'écoute interprétée par le Boston Pops Orchestra, dirigé par Arthur Fiedler. Dans les steppes de l'Asie centrale d'Alexandre Borodine avec le Boston Pops Orchestra, dirigé par Arthur Fiedler. Et un autre compositeur du groupe des cinq, c'est Modeste Moussorgski. Modeste Moussorgski, qui a une vie assez brève, connu évidemment pour ses tableaux d'une exposition, pour son opéra Le Prince Igor. Et Modeste Moussorgski, il fait partie d'un coffret qui vient de paraître chez Scarbo, coffret consacré à la pianiste Sylvie Carbonel. Sylvie Carbonel, qui a un répertoire extrêmement ouvert dans ce coffret, on s'en rend compte. Il y a évidemment de la musique russe, mais aussi de la musique française avec Chabrier, de la musique allemande avec Brahms et Schumann, qu'elle interprète merveilleusement, et l'intégrale, c'est assez rare quand même pour être signalé, l'intégrale de l'œuvre pour piano de Moussorgski. Voilà qui est intéressant, et on va écouter l'œuvre la plus célèbre pour piano de Moussorgski, ce sont évidemment les fameux tableaux d'une exposition. Alors voici La Grande Porte de Kiev, sous les doigts de Sylvie Carbonel, et donc un coffret de 10 compacts qui vient de paraître chez Scarbo. Thank you. remarquable interprétation de la Grande Porte de Kiev, tirée bien sûr des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, avec la trop discrète, trop méconnue Sylvie Carbonel. Et donc, je vous rappelle, le coffret paru chez Scarbo, 10 compacts disques, c'est vraiment indispensable. Alors, lundi 15 janvier, à 20h, salle Poirel, il y a un nouveau concert dans le cadre de l'Association Lorraine de Musique de Chambre qui reçoit Gauthier Capuçon et ses élèves. Gauthier Capuçon, on ne le présente plus, c'est peut-être l'un des artistes classiques les plus connus du grand public, peut-être trop d'ailleurs pour certains. Et donc Gauthier Capuçon qui va nous présenter des élèves remarquables, on ne peut pas en douter. Et donc voilà, Gauthier Capuçon avec un programme très ouvert. Et je vous propose de retrouver Gauthier Capuçon et ses amis musiciens avec lesquels il joue très souvent, Renaud bien sûr son frère, Gérard Cossé l'altiste, et puis le regretté Nicolas Angelich. Bon, c'est vrai que maintenant, Gauthier Capuçon donne plutôt des concerts avec Franck Bralet. Et on va les retrouver dans le mouvement final Rondo à la hongroise du premier quatuor avec piano de Johannes Brahms. Une œuvre inspirée par la musique Tzigane que Joachim, le grand violoniste Joachim, avait fait découvrir à Brahms. Et on sait que par la suite, Brahms va s'emparer de cette tonalité Tzigane, de ces couleurs Tzigane, pour les inclure dans ces fameuses danses hongroises, qu'on devrait d'ailleurs appeler danses Tzigane, et puis dans bon nombre de ses partitions. Voici le final, donc joué par ces artistes, Gauthier Capuçon, encore une fois à Nancy, le 15 janvier à 20h, mais il n'y a plus de place, Renaud Capuçon, Gérard Cossé et Nicolas Angelich. Thank you. Le rondo à la Zingarese du Quatuor avec piano numéro 1 de Johannes Brahms avec Renaud Capuçon, Gérard Cosset, Nicolas Angelich et Gauthier Capuçon qui sera demain, 20h, salle Poirel pour un concert dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Et on termine avec Shostakovich, les aventures de Zorzinkina, une suite donc tirée d'une musique de film jouée par un ensemble instrumental dirigé par Gennady Rozhdestvensky. Les aventures de Zorzinkina, un extrait avec le chœur et orchestre dirigé par donc Gennady Rozhdestvensky. Ben voilà, c'est tout pour ce matin. On se retrouve bien sûr samedi et dimanche prochain à 11h pour de nouvelles aventures musicales. Bonne semaine à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.